ですね。Make me wake up. Comme dans la grotte de Platon, nous sommes face. À nos illusions, désillusions. Du volcan, nous dansons corps à corps. Experiment. Try it, we fail it. Nous sommes. Oui, hein. La 205 Peugeot de collection. Young Timer, tu veux pas l'être, mais tu l'es quand même. Pragmatique, t'es pas pragmatique, t'es pas pratique, t'as pas la clé, tu peux pas démonter la batterie, hein, tu sais pas Où est ta batterie dans ta Volvo V70? Heureusement que t'as un pote qui a une 205 le chaud pour te la faire trouver. Ah, sinon jamais je l'aurais su. Pas besoin, c'est une. T'as les Peugeot, t'as les Volvo. C'était caché, la batterie comme. Mais c'est l'âme, dans une 205 Peugeot. Et c'est l'âme que tu ne trouves plus dans les bagnoles d'aujourd'hui. Mais c'est l'âme de la 205 Peugeot. Connecté à moi. Il y aura encore des 205 Peugeot. La XS. Moi j'ai eu une XAD. Version commerciale. En beige. Avec des traces de balles dans la portière. La glace, la glace. Je me suis fait piquer mon aspirateur dedans. Casse la vitre qui vaut la valeur de la bagnole. Je t'écoute. Elle rit. Un sacré numéro. C'est un sacré. C'est le sacré. En GTI, même pas en 1.6. Les premières versions ont une cote de dingue. Truc de fou, truc de dingue, truc de psycho. La 205 Peugeot à 20 000 balles. 25 000, 30, 40. Les 205 Peugeot disparaissent. Il faut lutter. ZFE dans ton. ZFE dans 20 sous. Quand tu veux plus avoir accès aux batteries. J'ai plus accès aux batteries. C'est le message. C'est la musicothérapie. C'est la ninja MC. We'll be right back. chauffe les oreilles. Remonte des pieds jusqu'au cerveau. Une ligne de basse. Un bon drummer. Ha ! Suffit de peu de choses. Pourquoi ? Pour qui ? Pour décoller, pour la veille de tes 40 ans. C'est la crise de la carte. 50-50-50-50. No wait, no hope, push. Just push the present. Wait, no hope. No distraction. Because war. Here come. No way, no hope. Push. Here and now. Situation. Given. On voudra faire mieux. Try again, just fail better. Ah, but we try. Try again. Pico, we are. Here and now, we are about to low, about to sit, about to touch, about to play, about to low, yeah. About to low. He wants to reggae, yeah. Because war is coming. All we need is low. Give us reality, give us free talk. Give us the power. Power. Need to go to restore. Thank you. va revenir, il paraît. We are the people. I am the people. Get up. Stand up. Because don't give up the fight. We don't give up the fight. Oh non, oh non, oh non, we don't give up. Différentes dimensions, dans différents. Don't give up, don't give up. Oh, don't give up. On esquive. Gestion non violente. Des conflits. Get up. Follow. I follow you la. Follow, follow, follow, follow. Follow my lamp. The feet from desire. I will purify. Follow you are. And my TV. About to me, about to love again. I'm a hero, we are young, oh, we are. Oh! Seuil de tolérance! Absorbe! juste un instant. Juste un moment. C'est l'IA qui s'est infiltrée dans mon cerveau. Thank you. That Michelle is a hell of a bass player. Is that a guitar synth? If so, which one? I just got the SY-1000 recently. Pretty sweet unit. Looks like I'm gonna have to get out. Oh, thank you.